Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, Haïti, le tremblement de terre de 2010. Île maudite, pays martyr, terre damnée. Comme une rengaine, à l'heure de parler d'Haïti, on déploie le champ lexical de la malédiction pour décrire un pays comme un purgatoire condamné pour toujours. Le 12 janvier 2010, le tremblement de terre qui frappe le pays, par son bilan, plus de 300 000 morts et autant de blessés et ses conséquences, dépasse toutes les catastrophes. En quelques secondes, ce séisme ravage toute la partie occidentale de l'île et notamment la capitale, Port-au-Prince. Les premières images du désastre provoquent une émotion mondiale et la mobilisation de la communauté internationale. Alors que les États et les ONG organisent l'aide d'urgence, les dons des citoyens affluent à travers le monde. D'aucuns voient cette stratégie comme un point de départ pour la reconstruction d'Haïti. L'écrivain haïtien Denis Laferrière, présent ce jour-là, décrit cet événement comme ce moment fatal qui a coupé le temps haïtien en deux. L'avant, c'est cette succession de drames politiques, sociaux et climatiques qui ont frappé le pays depuis sa naissance. L'après, c'est ce sentiment que plus rien ne pourra être comme avant. Pour saisir cet événement, il faut donc l'enjamber, retracer sous les décombres les facteurs humains et historiques qui font de cette catastrophe naturelle une catastrophe humanitaire. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur cet événement avec le réalisateur haïtien Raoul Peck, auteur du documentaire « Assistance mortelle » sorti en 2013, travail qui revient sur les échecs de la reconstruction après le séisme. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonhomme, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lèvre. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Haïti, mardi 12 janvier 2010. Il est 16h50, ce jour-là sur l'île des Caraïbes que le pays partage avec la République dominicaine à quelques kilomètres de Cuba et de la Floride. Il est 16h50 donc et la vie suit son cours. À Port-au-Prince, cette capitale de 3 millions d'habitants, au développement anarchique, conglomérat urbain entouré de bidonvilles. Il est 16h50, l'heure où la ville est en mouvement. Les enfants sortent de l'école, on quitte le travail, on fait ses dernières courses ou on patiente dans les embouteillages monstres de la capitale. Si Haïti est l'un des pays les plus pauvres de la planète, certains économistes ont décelé tout de même ces derniers temps les prémices d'une légère embellie. Croissance, investissement privé, réseau routier, baisse de l'insécurité, semblant de stabilité politique, quelques clignotants semblent vouloir se mettre au vert. Et puis comme d'habitude, Haïti ne s'est jamais arrêté de vivre, toujours porté vers l'avant, notamment par la culture. À Port-au-Prince et dans le reste de l'île, tous les Haïtiens sont plongés dans les préparatifs du carnaval qui doit se tenir dans quelques jours. D'ailleurs, la ville accueille aussi le festival de littérature Étonnant Voyageur et les principaux écrivains haïtiens sont sur place. Mais à 16h53, très précisément, ce 12 janvier 2010, la terre tremble. Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis... L'incendie est là. Voilà, la petite chose là. Et maintenant, voici pour Port-au-Prince maintenant. Et puis on est là, et puis il y a plein de choses là, les musiques se sont cassées. Mais on n'a rien. L'île est là. Ok? Et puis, the world is coming to an end. La terre tremble. Trois mots. Trois mots et quelques secondes pour dire un monde qui s'effondre. Pour dire le silence, l'incompréhension, la sidération, l'effroi. Pour dire les corps qui se dérobent, la perte des repères, de l'orientation, de la densité. La peur que ces quelques secondes qui paraissent durer une éternité ne s'arrêtent jamais. Trois mots, quelques secondes, face auxquelles on est désemparé, incapable d'agir ou de réfléchir, emporté par les soubresauts de la terre. C'était là, à une dizaine de kilomètres de profondeur, un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter. Superficiel, comme le qualifient les spécialistes pour expliquer que la rupture de la faille se propage instantanément à la surface. Centré à 15 kilomètres au sud-ouest de Port-au-Prince, comme si la capitale haïtienne était directement visée. Alors d'un coup, une épaisse couche de poussière blanche recouvre la ville et la plonge dans la torpeur. Bâtiments effondrés, routes déchirées, voitures retournées. Après le silence, les cris du les cris de tous ceux qui sont pris dans la décombre, de ceux qui les cherchent, de ceux qui courent pour se réfugier sans savoir dans quelle direction. Alors, on se rassemble où on peut, loin des immeubles, loin de toute hauteur, sur des terrains vagues, à découvert, dans les parcs. En quelques secondes, Port-au-Prince est renversé, plus d'eau, plus d'électricité, plus de communication. Pour seul moyen d'information, la marche et la parole. Alors on voit des hommes, des femmes survivants par centaines qui errent dans la ville à la recherche d'un fils, d'une mère, d'un ami. Pendant ce temps, les répliques du séisme continuent, comme l'explique ce journaliste haïtien. Haïti. Je ne sais pas ce qui arrive. Et chaos. Vraiment, on a eu le tremblement de terre, il était 4h, il était 5h. Et là, il est minuit, hein, et encore des secousses. Et on est faible, on n'a pas les moyens de réagir. On ne peut pas évacuer tout le monde. Et on n'a pas assez de nourriture pour donner à tout le monde, assez d'eau pour donner à tout le monde. Il y a des gens qui meurent là. La nuit tombe sur Port-au-Prince et Haïti. À travers toute la ville, les hommes, les femmes et les enfants s'installent dans la rue pour dormir, loin des répliques, loin des risques de nouvel effondrement. Pour beaucoup, leur maison est en champ de ruines, leur vie aussi. Mais il faudra attendre que le jour se lève pour réaliser la désolation dans laquelle est plongée la capitale. Bonsoir, un seul titre dans l'actualité d'aujourd'hui, ce séisme qui a dévasté Haïti. Plusieurs dizaines de milliers de morts en Haïti. Difficile d'évaluer combien de personnes sont encore coincées sous les décombres, tant la situation sur place est chaotique. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a été enregistré mardi à Haïti. Toujours impossible à l'heure qu'il est d'établir un quelconque bilan, même provisoire, du terrible séisme qui a touché Haïti. On parle évidemment de centaines de morts, peut-être même de milliers. Alors c'est vrai que c'est un véritable chaos, ici on peut vraiment le dire. On a aperçu des tas d'immeubles détruits, deux tiers des immeubles sont par terre, tous les étages affaissés comme un millefeuille de béton. Le séisme a été suivi de deux répliques très fortes. Une alerte au tsunami a été déclenchée. L'ambassadeur américain du pays évoque déjà une catastrophe majeure. Le 13 janvier 2010, Haïti se réveille et prend conscience de la tragédie qui l'a frappé la veille. L'île est coupée du reste du monde, les communications sont toujours impossibles. Et c'est seulement par la radio ou Internet que quelques informations peuvent être transmises. Que ce soit dans le pays ou pour appeler à l'aide à l'étranger. Malgré tout, après la stupeur, les Haïtiens se ressaisissent. La solidarité et l'entraide sont immédiates. Là pour sortir un survivant bloqué sous les décombres, ici pour emmener un blessé à l'hôpital. En parcourant la ville, les survivants mesurent l'étendue du chaos auquel ils doivent faire face. Il suffit de traverser les lieux symboliques de la capitale, stigmate d'un pays déjà fragile et qui se retrouve aujourd'hui abattu. Le palais national, au cœur de la capitale, dans son style colonial, n'est plus qu'un énorme amas de pierres. Ce lieu, témoin de l'histoire du pouvoir en Haïti, des dictatures passées, celles des Duvalier et Pérefis, jusque dans les années 80, du retour manqué de la démocratie avec Jean-Baptiste Aristide dans les années 90, ce lieu si chargé de symboles et de réalités politiques est aujourd'hui à terre. Le Parlement, rasé lui aussi, et orphelin de son président qui n'a pas survécu. Le ministère de l'économie et des finances, le palais de justice, l'université, eux aussi détruits, emportant de nombreux fonctionnaires, professeurs, étudiants. L'État haïtien, réputé corrompu et défaillant cette fois, n'existe pas. Et il faut attendre plusieurs heures pour savoir que le président René Préval et son premier ministre Jean-Max Bellerive sont sains et saufs. Le premier d'ailleurs répond à des journalistes anglais dans la rue, au milieu des décombres. C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Toutes ces maisons détruites, les hôpitaux, les écoles. J'essaie de comprendre l'étendue des événements. Après le Palais National, c'est du côté de la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, que le regard se tourne. Ces dernières années, l'équipe onusienne a réussi à instaurer un léger retour à la stabilité dans le pays, que ce soit pour la sécurité comme pour l'organisation des infrastructures ou encore l'instauration de la démocratie. Mais le siège de l'ONU s'est lui aussi effondré. Plus de 200 fonctionnaires sont bloqués sous le béton. Et le chef de mission, le Tunisien Eddy Annaby, n'a pas survécu. Un État décapité, son principal soutien lui aussi effondré, les Haïtiens sont livrés eux-mêmes. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, prend la parole. Je suis vraiment désolé par le désastre qui vient de toucher Haïti. C'est une tragédie pour Haïti, pour le peuple haïtien et pour les Nations Unies. Frappé en plein cœur, Port-au-Prince n'avait aucune chance. Haïti, comme d'autres pays de la région, est régulièrement soumis à des catastrophes naturelles, cyclones, tempêtes tropicales, pluies diluviennes, inondations. Pourtant ici, les bilans humains et matériels sont toujours plus importants qu'ailleurs. La déforestation massive provoque des coulées de boue, l'absence d'institutions stables augmente les risques, et puis la vulnérabilité des logements et de l'urbanisme. Pourtant, avec le temps, les Haïtiens ont réussi à faire face à ce type de catastrophe. Mais un séisme, c'est autre chose. On avait perdu ici la mémoire des deux précédents au XVIIIe siècle en 1751 et 1770 qui avaient déjà détruit la capitale de l'époque, Cap-Haïtien. Et en ce 13 janvier 2010, il n'y a qu'à regarder autour de soi pour comprendre. Port-au-Prince n'est plus qu'un champ de ruines. Des rues, déjà, s'élèvent les appels à Dieu menés par les pentecôtistes et les évangélistes qui, depuis plusieurs années, gagnent du terrain sur le catholicisme en annonçant l'apocalypse qui vient. Comme un signe, là aussi, la cathédrale de Port-au-Prince est en ruine. Et l'archevêque est mort dans l'effondrement. Non, non, vraiment, il ne reste rien, rien debout. Après le constat de chaos, vient le temps de l'urgence. Les premières informations arrivent enfin dans les rédactions du monde entier et les réactions sont unanimes. Le président français, Nicolas Sarkozy, prend la parole. Tous nos efforts, aujourd'hui, et c'est normal, sont concentrés sur l'urgence humanitaire et les secours. De cette catastrophe qui fait suite à tant d'autres, nous devons faire une occasion pour sortir une fois pour toutes Haïti et son peuple de la malédiction qui semble les accabler depuis si longtemps. J'ai proposé au président Obama, avec qui j'aurai l'occasion de m'entretenir dans les heures qui viennent, que les États-Unis, le Brésil, le Canada et d'autres encore prennent l'initiative de convoquer une grande conférence pour la reconstruction et le développement en Haïti. D'emblée, l'émotion est mondiale. Les premières images qui parviennent d'Haïti sont terribles. Au milieu de kilomètres de débris, on voit des hommes, des femmes, des enfants, l'air perdu, à même la rue, qui côtoient les morts. C'est la première chose qui frappe les esprits, oui, ces corps, par centaines, par milliers, allongés sur les trottoirs, recouverts d'un simple drap, là, juste à côté des vivants, insoutenables. Des cadavres qu'on ne peut pas transporter. Les principales routes sont bloquées par les débris. Les morgues, incapables d'accueillir tous ces corps. Cauchemar. Pour la communauté internationale, il faut aller vite, le temps presse, alors tous se mobilisent. Du côté des ONG, la plupart avaient déjà des équipes sur place, mais elles aussi ont été durement touchées par le séisme. Des collaborateurs ont disparu, des bâtiments se sont effondrés. Malgré tout, les ONG essaient de s'organiser et envoient de nouvelles équipes et du matériel. Et puis au siège de Médecins du Monde, en France également, on s'organise. Nous, on a deux challenges. Amener le matériel, 40 tonnes de matériel qui sont aujourd'hui regroupées à Bordeaux depuis ce matin, et acheminer l'équipe de 13, 14, 15 personnes qui ont été identifiées, chirurgiens, médecins, anesthésistes. La priorité est mise aux avions militaires et aux avions de fret. Tous les avions ne peuvent pas s'y poser parce que la piste est endommagée, la tour de contrôle est endommagée. Donc c'est difficile aujourd'hui d'atterrir à Port-au-Prince. Et plutôt de risquer et d'attendre que cette piste se remette en œuvre, on a cherché une solution alternative. Et donc on a fait le choix de passer par Santo Domingo pour l'instant. Du côté des États également, la mobilisation est immédiate. Dès le 13 janvier, lendemain du séisme, une réunion d'urgence est organisée à la Maison-Blanche. Barack Obama promet une intervention rapide et coordonnée. Washington annonce l'envoi d'une première équipe de sauveteurs pour fouiller les décombres. Des soldats aussi sont envoyés. Ils ont pour mission de remettre en état de fonctionnement l'aéroport de Port-au-Prince, complètement détruit, pour faciliter l'acheminement de l'aide. Français, Canadiens, Japonais annoncent également l'envoi de secouristes. Mais comment hiérarchiser et organiser toute cette aide? Eh bien, il faut jouer sur plusieurs urgences en même temps. D'abord, sauver ceux qui sont prisonniers des débris, pour qui le temps est compté. En même temps, soutenir les hôpitaux pour venir en aide aux milliers de blessés qui submergent les services et les structures des ONG. enfin acheminer de l'eau potable et de la nourriture. Les journalistes arrivés sur place tentent, eux, de montrer cette situation d'urgence multiple. Alors, on suit les sauveteurs qui s'enfoncent sous les débris après avoir entendu un appel ou une respiration, comme un miracle. Dans ces ruines, un homme appelle à l'aide. Sous les gravats, il y a des signes de vie. Soudain, des décombres de cette maison, surgit un cri d'enfant. Au bout d'un deuxième petit tunnel, on va découvrir le médecin du détachement. Il se trouve aux côtés d'un rescapé qui a une jambe coincée sous les pierres. Il lui prodigue les premiers soins d'urgence. Merci. On venait de se marier. Je venais de l'épouser. Je ne sais pas quoi faire. Elle a passé trois jours sous les décombres et je l'ai retrouvée aujourd'hui. La nuit dernière, les sauveteurs de la sécurité civile ont procédé à quatre sauvetages. Le plus spectaculaire, celui d'une femme d'origine haïtienne. Elle s'appelle Carla. Elle a une soixantaine d'années. On suit les médecins déjà sur place ou à peine arrivés, plongés dans une situation catastrophique. Submergés, ils doivent faire face à des membres brisés, des traumatismes crâniens, des insuffisances respiratoires. De nombreux chirurgiens parlent d'une véritable médecine de guerre, contraints qu'ils sont d'amputer les patients pour éviter les gangrènes, de trier au cas par cas et d'établir les priorités pour l'envoi d'urgence dans les hôpitaux étrangers. Pourtant habitués à ce type de situation, ils se rendent compte du caractère exceptionnel de cette crise. J'ai beaucoup de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. C'est grave. Je vais voir ce que je vais faire. Nous avons besoin de sang et c'est sûr que la Croix-Rouge n'en a plus. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'amputations, autant de bras et de jambes amputés depuis la guerre de Crimée ou alors la guerre de sécession aux États-Unis. Écarte-lui un peu le bras parce que c'est de la médecine et de la chirurgie de guerre qu'on fait serrer d'autres. On est en situation de catastrophe maximale et bon, c'est là qu'on applique ce qu'on a appris. Et des fois, on s'aperçoit que ce qu'on a appris est quelquefois même un peu loin de la réalité. Il est arrivé ici à moitié inconscient. Il était sévèrement déshydraté et atteint de gangrène. Ce soir ou demain, s'il ne va pas mieux, on sera obligé de l'amputer de la jambe. Du côté de l'acheminement en eau et en nourriture, les difficultés sont énormes également. Les images de la télé révèlent des scènes violentes de pillage à travers les ruines de la ville, alors qu'il s'agit la plupart du temps de simples réflexes de survie. Mais on s'inquiète de l'insécurité grandissante suite au séisme. Une sorte d'état d'anarchie, sentiment renforcé par la destruction de la prison d'où se sont échappés près de 4000 prisonniers. En réalité, ces scènes sont partielles et ne reflètent pas la solidarité globale de l'ensemble de la société haïtienne, toute classe sociale confondue, bien que ce soit les couches les plus populaires vivant dans le sud de la ville et non sur les hauteurs qui ont été les plus touchées. Pour autant, la colère monte contre le gouvernement. Le président n'a rien fait pour nous dans ce pays. Regarde dans quelles circonstances on est. Le gouvernement agit trop lentement pour pouvoir toucher les gens affectés. Le président haïtien est incapable devant cette situation. Qui dirige le pays aujourd'hui? Vous avez dit moi. Je vous dis que nous considérons que nous sommes en état de guerre. Et c'est dans ces conditions que nous fonctionnons. Mais c'est toujours vous qui dirigez le pays? Apparemment. Alors que de nombreux Haïtiens décident de fuir la capitale pour rejoindre la campagne et des zones non touchées, on réalise que depuis plusieurs jours, Port-au-Prince n'est pas la seule frappée par le séisme. Les communes de Jacmel, Carrefour ou Léogane sont elles aussi gravement frappées, coupées du reste du pays. Isolées, elles ne reçoivent l'aide des premiers secours qu'au bout d'une semaine. Les jours passent et petit à petit l'aide internationale se met en place. Et de l'urgence, on arrive au constat terrifiant. Le bilan provisoire laisse sans voix 222 570 morts, 300 000 blessés et 1 300 000 déplacés. C'est plus à l'échelle d'un seul pays que le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est à l'échelle de tout un continent, ou presque. Pour de nombreux observateurs et pour les Haïtiens, après l'urgence, il est temps d'engager maintenant le processus de reconstruction et beaucoup... Beaucoup y voient l'occasion d'une refondation qui se transformera bien vite en illusion. moun pa grandi, si pa même rit payé, si tout bagay couché, même si ou pa jam saisi. New York. Ils sont tous réunis ce jour-là pour la conférence internationale organisée sous l'égide des Nations Unies. Autour de la table se sont installés les gouvernants des principales puissances, l'Union européenne et les États-Unis en tête, plus de 138 pays donateurs au total, les représentants des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, des organismes privés, enfin, tous ceux que bientôt on appellera les bailleurs. Et les promesses dépassent les attentes. 10 milliards de dollars sont réunis, trois fois plus que ce qui était espéré. Tous les acteurs présents ce jour-là sont animés par une même idée. La tragédie du tremblement de terre qui a totalement détruit un pays déjà largement fragilisé doit être l'occasion d'une refondation. Oui, faire table rase du passé, reconstruire un État sur de nouvelles bases. Pour coordonner la mission et gérer les fonds, on met en place une commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, la CIRH, coprésidée par Bill Clinton et le premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, fait le point, suivi du président haïtien René Plaval. Maintenant, c'est le temps de la mise en œuvre, de la réalisation de notre promesse, de la transparence et de la responsabilité. Nous devons nous assurer qu'Haïti obtienne l'argent en temps voulu. J'appelle mes compatriotes à bien comprendre l'effort qui a été fait par la communauté internationale et la responsabilité que nous avons dans l'intérêt de notre peuple d'y répondre vite et bien. Haïti, trois mois après le séisme, nous sommes dans une situation toujours chaotique. Alors, après les morts et les blessés, il faut s'occuper des survivants. Et on les voit, oui, on ne voit que dans Port-au-Prince ou ses environs, partout. Des camps de fortune, dans les parcs, sur les terrains de sport où s'entassent plus de 800 000 personnes dans 460 camps à travers la ville. Le logement devient rapidement la priorité de la commission. La profondeur des dégâts sur l'habitat est abyssale. Près de 100 000 habitations sont totalement détruites, 200 000 endommagées et inutilisables pour le moment. On décide de réunir les différents camps et regroupements à une dizaine de kilomètres à l'est de Port-au-Prince, sur une colline où un vaste terrain vague de plusieurs dizaines d'hectares peut accueillir les milliers de sans-abri. Après le temps des promesses et des intentions, le réel rappelle tout le monde à l'ordre. Et il faut peu de temps à l'ensemble des acteurs pour réaliser que les difficultés de la mission, connues de tous, se révèlent par endroits insurmontables. Et la reconstruction est politique. Certains parlent même d'un capitalisme de désastre. Chaque pays tentant de placer ses entreprises sur tel ou tel projet. De nombreuses sociétés privées, tendance vautour, privilégient des projets visibles et bénéfiques pour leur image. Alors que la priorité était dès le départ le déblayage des débris, la situation n'a quasiment pas évolué au bout de plusieurs mois parce que on préfère financer un hôpital ou un grand hôtel. Ailleurs, c'est un problème de logistique dû à la multiplicité des acteurs. Ainsi, par exemple, on nettoie 4 fois le même canal, on fait venir de l'eau minérale sans tenir compte des producteurs locaux. Pour la population, la présence des ONG et des représentants des bailleurs est de plus en plus mal vécue. Les troupes américaines, nombreuses, renvoient les Haïtiens à leur histoire, celle d'un peuple qui paye aujourd'hui encore sa libération. Haïti fut en effet la première colonie noire à obtenir son indépendance au début du 19e siècle. Son héros, sa figure de proue, s'appelle Toussaint Louverture. 2 siècles plus tard, la présence américaine est vécue comme une occupation. Et alors que la tension monte entre la population, le pouvoir et les différents bailleurs, un événement envenime la situation en octobre 2010, soit 10 mois après le séisme. Après le séisme, après les pluies diluviennes, Haïti est désormais frappé par une épidémie. 135 personnes sont mortes en quelques jours et près de 1500 autres présentent les signes inquiétants d'une maladie qui ressemble au choléra. Pendant de nombreuses semaines, le doute autour de la provenance de l'épidémie de choléra sera maintenu. Les premières études tendent à montrer qu'il aurait été apporté par des casques bleus népalais. Côté haïtien, une manière terrible, autant que symbolique, de traduire le ressenti de la population face à l'aide extérieure. Oui, tous ont conscience qu'ils ne pourraient pas faire sans elle, bien sûr, que l'élan de générosité a permis de gérer le mieux possible la situation d'extrême urgence dans laquelle cette catastrophe les avait plongés, et évidemment... Mais à l'heure de la reconstruction, la colère monte face aux écueils des différents acteurs. D'ailleurs, un affrontement a lieu entre le pouvoir haïtien, le secteur privé haïtien et la CIRH. Au cœur de cette bataille, un déficit de confiance. Du côté des donateurs, le poids du passé vis-à-vis du pouvoir haïtien et de la méfiance face à un État réputé comme corrompu empêche toute coordination. Côté haïtien, on s'estime lésé et exclu de la CIRH, alors même que l'une des premières annonces de cette commission voulait placer le gouvernement du pays au cœur du processus de reconstruction. Une situation qui s'aggrave avec l'organisation des élections au mois de novembre 2010. Voici l'objet du désir, une carte d'électeur. On a repris les anciennes listes électorales, malgré 300 000 morts, malgré plus d'un million de déplacés. Continuez, Anit. Il n'empêche, en Haïti, voter fait rêver. Dans ce pays où l'État ressemble à une fiction, 18 candidats à la présidence. Parmi ceux du premier rang, Jude Célestin, fonctionnaire, héritier du président actuel. On l'accuse d'organiser la fraude. Ce soir, à Léogane, ville dévastée par le séisme, on l'attend. À travers la pratique mentale en Haïti, les gens s'amusent à retirer de l'argent, à détourner des fonds de l'État pour autre chose. Nous devons terminer avec ces choses-là. Ils sont tous des voleurs. Ils ne font rien pour Haïti. Ces élections se solderont par un échec, soupçon de fraude, retrait des candidats en opposition, émeutes et affrontements entre les soldats de l'ONU et les manifestants. L'instabilité du pouvoir en Haïti effraie encore plus les bailleurs qui se retirent un à un. Mais ils se retirent d'un pays entièrement détruit, où la colère de la population à l'égard du pouvoir est à son comble. Et puis, ne s'est-on pas précipité à vouloir organiser ces élections comme on se précipite à vouloir reconstruire Haïti sans véritable plan d'ensemble ? Après la colère, c'est le doute. doute qui s'immisce, notamment sur la cire H. Côté haïtien, on commence à faire les comptes. Les 267 millions de dollars d'aide mis en place pour le moment ont généré 1500 contrats pour des sociétés américaines, 20 pour des entreprises locales. 1500, 20. En face, on répond aussi par des soupçons. Le président sortant, René Préval, aurait détourné de l'argent pour financer la campagne de son successeur désigné, Jude Célestin. Il faut attendre mai 2011 pour qu'un nouveau président soit élu. C'est Michel Martelly qui remporte les élections. Plus d'un an après le séisme, l'urgence qu'on pensait dépasser reste d'actualité. La reconstruction, la refondation n'est pas encore venue. Elle n'a pas permis d'amener le pays sur la voie du changement tant espéré. De nouveaux bidonvilles se sont formés en périphérie de Port-au-Prince. La CIRH est remplacée fin 2011 par le Fonds de reconstruction d'Haïti avec un bilan pour le moins négatif. Seule la moitié des 10 milliards promis au moment de son inauguration sont réellement arrivés. De nombreux donateurs gelant leurs fonds face à l'enlisement de la situation et l'impéritie des institutions sur place incapables de les gérer. L'espoir d'une aubaine face au désastre, d'un avenir possible sur les cendres du drame n'est toujours pas advenu. Une lueur espérée par l'écrivain haïtien Franck Tienne que son pays, et malgré ses difficultés insurmontables par endroits, continue d'entretenir. Le malheur haïtien est devenu une denrée rentable. Il y en a beaucoup qui se comportent comme ce vilain médecin qui, au chevet d'un malade, s'arrange pour que le malade ne meure pas, mais qu'il ne guérisse pas non plus. Si le malade meurt, il n'y a pas de travail. Si le malade guérit, c'est le chômage pour le médecin. Mon pays est habité par la peur, mon peuple est habité par la peur, et Haïti est entré dans le champ de la mort. Moi, je crois que le 12 janvier est venu asséner le coup de grâce à ma terre. Je continue à produire, mais je sais que je ne verrai pas les premiers sursauts de relèvement. Côté France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le tremblement de terre à Haïti avec notre invité Raoul Peck. Bonjour. Bonjour. Raoul Peck, réalisateur, haïtien vous-même, président de l'école de cinéma de la FEMIS et auteur du documentaire Assistance mortelle sorti en 2013. Un travail qui revient sur les échecs de la reconstruction après le séisme. Et il se trouve que sort en ce moment un coffret de 5 DVD, une compilation de votre travail, Raoul Peck, des films sur Haïti et notamment celui intitulé Assistance mortelle. Donc sorti en 2013 autour du tremblement de terre. Est-ce que, pour y revenir d'abord sur ce 12 janvier 2010, c'est quels en sont vos souvenirs personnels le jour où la terre a tremblé à Haïti de la façon dramatique que l'on sait? Ça a été d'abord des coups de téléphone. Vous étiez en France, heures. C'est ça? J'étais oui. À Paris. Mmh. Donc à partir de 10h du soir, voilà, tout le monde appelle, tout le monde veut avoir des nouvelles et moi aussi je me rends compte de ce qui se passe sans avoir vraiment de données exactes. Et puis toute la nuit, voilà, on passe à essayer de joindre les uns ou les autres. Et très rapidement, le besoin pour moi d'aller en Haïti, puisque je me rends compte que c'est un événement du genre qui arrive une fois dans une vie, et que si on ne le vit pas avec les gens de chez soi, qu'on aura un déficit pour le reste de sa vie. Donc c'était important d'être sur place et d'apporter toute l'aide que je pouvais à ce moment-là. Et laquelle? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Bon, j'ai travaillé dans un gouvernement, donc je sais ce que c'est de répondre à une urgence. Et à ce moment-là, puisque le tremblement de terre avait prioritairement frappé Port-au-Prince, donc le lieu central du pays, puisque nous sommes aussi un pays très centralisé malheureusement, et donc il fallait amener par exemple des instruments de communication. J'ai amené des téléphones satellitaires puisque personne n'en avait plus. CNN était bien équipé sur place, mais le gouvernement haïtien n'avait aucun moyen de communication. Donc, et puis d'être sur place, pas seulement par rapport à mes amis, par rapport à mon engagement localement, mais aussi en tant que serviteur de l'État, j'ai été ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Dans le second gouvernement démocratique en 94. Oui. Quelle est l'image qui vous reste quand vous êtes arrivé à Haïti? Vous savez, un tremblement de terre dans un milieu urbain, c'est en somme le résultat d'un énorme bombardement. C'est-à-dire, la plupart des immeubles sont effondrés, on ne reconnaît plus les routes. Soit les quartiers sont désertiques ou il y a un nombre de gens qui circulent comme ça, sans but. Dans d'autres quartiers, tout est bloqué. Il y a moins de voitures, bien sûr, puisqu'on peut pas circuler. Et c'est une atmosphère de cataclysme et puis un silence impressionnant. Silence. Oui, puisque tous les bruits de la ville s'arrêtent. Oui. Toutes les activités habituelles d'une grande ville, en l'occurrence d'une grande ville de 3 millions d'habitants. S'arrête. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les gens sont traumatisés. Et il y a aussi, il faut le dire, une énorme solidarité. Alors j'allais y venir. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que cette solidarité, elle s'est mise en route très vite. Et puis la mondialisation de l'information, là, pour le coup, elle a rendu un fier service. Hein. Absolument. Mais je parlais surtout de la solidarité des survivants. Voilà, des Haïtiens. Local, des Haïtiens. Oui. Puisque ce sont les Haïtiens qui sauvent plus de 80% des gens qui sont sous les décombres. Avant même qu'aucune aide extérieure arrive. Et ce sont les Haïtiens dans tous les quartiers, toutes classes confondues, qui organisent les secours, qui bloquent les routes, qui organisent l'eau, qui organisent les médicaments, qui organisent chacun dans son quartier. Un médecin qui habite dans un quartier effondré, voilà, il se met tout de suite au service de son voisinage, de la collectivité, etc. Les ingénieurs font pareil, voilà, les marchands font pareil, etc. Donc il y a une vraie organisation spontanée qui se met en place. Et qui commence à gérer l'urgence. Et très rapidement, en l'espace de quelques jours, arrive un début d'aide massive, d'abord à travers les militaires américains qui arrivent, et d'autres, la France également. Et il y a, au fur et à mesure des semaines, une sorte de prise en main internationale qui annihile tout le reste. C'est-à-dire qui prend le pouvoir. Parce qu'on est, vraiment, il faut le dire dans certains termes, il y a une prise de pouvoir. Le gouvernement haïtien qui a plus ou moins survécu, puisqu'ils sont tous dans un local pas loin de l'aéroport, où ils sont totalement isolés également, ils n'ont pas de moyens de communication, alors que je traverse sur le tarmac une série de grandes chaînes télévision américaines qui ont tout, qui ont des satellites, qui ont les images, qui ont une équipe, et certains états-majors militaires également, qui sont parfaitement équipés. Et la chose essentielle et urgente qu'il fallait faire, c'est mettre une partie de ces instruments au service du gouvernement haïtien. Ça n'a pas été fait. Donc c'était une manière aussi de les isoler. Ça veut dire que, je reviens là-dessus parce que c'est important, vous aviez deux sentiments contradictoires qui se télescopaient. D'un côté, le soulagement de voir une aide internationale, et de l'autre, peut-être une sorte, entre guillemets bien sûr, d'annexion du pays pendant ces événements-là. Absolument. Et cette aide massive a plusieurs conséquences, et l'une d'elles, c'est de vous faire baisser les bras. Mais il faut faire attention, c'est pas seulement un problème spécifiquement à Haïti. Des sauveteurs allemands m'ont raconté, des organisations d'ONG allemandes m'ont raconté que ils ont vécu la même chose lors des inondations dans le sud de l'Allemagne. Il y a toujours cette tendance de l'extérieur, d'abord par bonté, par solidarité, de venir apporter de l'aide. Mais très souvent, ils arrivent dans une population traumatisée, qui n'a pas tous ses moyens, et en même temps, voilà, on prend en charge, et on ne leur demande pas leur avis, on fait comme si on sait déjà tout, et c'est très difficile. Et ça, on le vit aussi en Europe, en Amérique, après Sandy, après Katrina, c'était les mêmes phénomènes. Cela dit, est-ce que cette tragédie a souligné, ne serait-ce que symboliquement, les difficultés du pays, l'effondrement des bâtiments politiques, la mission de l'ONU est-ce que s'il y a une sorte de double peine de ce séisme, d'ailleurs, d'abord par les dégâts humains et matériels qu'il a provoqués, et aussi parce qu'il mettait aussi en avant les difficultés du pays? Bien sûr, c'est-à-dire tous les problèmes qu'il y avait avant sont décuplés. C'est pas pour rien qu'il y avait justement une forte présence de l'ONU. Et malheureusement pour eux, leur bâtiment central s'effondre. Et à l'intérieur, il y a un certain nombre de personnes qui étaient très importantes pour ce programme de l'ONU, et tant civiles que militaires. Et en même temps, cet immeuble qui s'effondre avec une multitude de nationalités à l'intérieur, de gens assez élevés dans la hiérarchie de l'ONU en Haïti, donc vont concentrer à leur tour les premiers secours. Donc, même là, il y a une sorte de disproportion, parce qu'il faut renvoyer des images, il faut... Et les États, bien sûr, ils ont leurs représentants sous ces décombres aussi. Donc, il y a une sorte de discrimination qui se fait. Mais je cite cet exemple pour montrer toutes les contradictions de cette période d'urgence et de sauvetage. Raoul Peck, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu certains commentaires après le tremblement de terre? Mais Haïti a connu d'autres drames, des drames politiques. C'est un pays pauvre, hein, c'est un pays qui souffre. Et quand on dit c'est les damnés de la terre, Haïti, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'à la fois, on se met à votre chevet, et en même temps, ça ne va pas être forcément facile à accepter ce genre d'image qu'on donne d'un pays. Oui, mais aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à mettre ça sous le coup de l'ignorance. C'est ignorer l'histoire de ce pays, qui a été quand même le premier pays libre des Amériques. Bien sûr. Bien avant les États-Unis, puisque les États-Unis avaient encore l'esclavage. En Haïti, ce sont les esclaves qui se révoltent et qui créent une nation. Et il crée une nation malgré les grandes puissances de l'époque, donc la France, l'Espagne, l'Angleterre, et ceci, on ne lui a jamais pardonné. Donc l'histoire d'Haïti, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de une tentative de faire disparaître cet énorme scandale qui était que des esclaves se révoltent et créent une nouvelle nation et qui prétendent être libres, alors que tout autour, l'esclavage règne et va continuer à régner pendant presque un siècle. Donc pour vous Haïti reste le poste avancé de la libération des... Absolument, c'est grâce à Haïti que l'Amérique latine se libère. Alors, on va parler de la reconstruction. Au départ, on l'a vu, les ambitions sont énormes de la part de la communauté internationale. On veut reprendre tout de zéro après cette tragédie pour reconstruire. Les bailleurs réunissent 10 milliards de dollars, beaucoup plus qu'attendu, et on affiche la volonté d'intégrer les Haïtiens au cœur du processus de reconstruction. Pourtant, au bout de quelques mois seulement, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Comme l'explique cette réunion du CIRH, au cours de laquelle une représentante du gouvernement haïtien à la mission intervient. Viens et vous la filmez, hein, ouais. Et on va l'entendre, nous. Nous, les 12 membres haïtiens de la CIRH, ici présents à cette réunion, nous nous sentons dans l'obligation d'exprimer ce qui suit dans le cadre de l'analyse du plan stratégique inscrit à notre ordre du jour. Les 12 membres de la partie haïtienne ici présents se sentent complètement débranchés de la vie de la CIRH. En dépit de notre fonction, nous n'avons à ce jour reçu aucun rapport de suivi des activités de la CIRH. Le contact s'établit seulement à la veille des réunions du conseil d'administration. Le conseiller n'a le temps ni de lire, ni d'analyser, ni de comprendre, et encore moins de réagir intelligemment aux projets qui lui sont soumis à la dernière minute, malgré toutes les doléances formulées et toutes les promesses faites à ce sujet. Le recrutement du personnel et le choix des firmes conseils se sont réalisés à l'insu de la partie haïtienne du conseil d'administration. Aucun document n'est venu informer le conseil sur les critères d'embauche et sur le profil des candidats. En réalité, les membres haïtiens du conseil ne remplissent qu'un rôle de figurant qui consiste à entériner les décisions arrêtées par le directeur et les comités exécutifs. Voilà, Rolpec, hein, tout est dit. Tout est dit, et c'est vrai que c'est là les problèmes sont complexes, et bon, là j'essaie de les d'en parler de manière rapide, mais c'est là que les choses sont vraiment compliquées. C'est toute une armada. Il s'agit de 5 milliards de dollars qu'on promet à Haïti, et il est clair que en aucune manière l'international va permettre aux Haïtiens de gérer cet argent. Et au final, 3 ans après, on constate que moins de 1% de l'aide va passer entre les mains du gouvernement haïtien. Donc, on se rend compte que le problème est profond et que ce n'est pas un problème haïtien, puisque l'ensemble des organisations internationales ont décidé à plusieurs reprises, que ce soit à Paris, à Accra ou ailleurs, qu'il y avait un certain nombre de règles à respecter lorsque on intervient dans des pays fragiles. Or, à chaque catastrophe, toutes ces règles éclatent en morceaux. Et elles sont les premières à ne pas respecter. L'un des principes fondamentaux dit il faut ne pas créer « do no harm », ne pas créer de dommages supérieurs à celui qu'on est censé venir réparer. Or, tout c'est coordonner les aides, ne pas détruire l'économie locale, etc., etc. Or, ces principes sont connus. Or, sous prétexte d'urgence, à chaque fois, on les viole et on recommence pareil. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va se répéter encore et encore, et pas seulement dans les pays comme Haïti, mais en Europe, en Amérique même. On se rend compte que ces grandes catastrophes à répétition, à cause du changement climatique et du fait qu'une grande partie des populations vivent aujourd'hui en milieu urbain, on va voir à chaque fois, malgré les préparations, que lorsqu'il y a une urgence, tout vole en éclats. Alors, il y a un point qui met encore plus mal à l'aise, me semble-t-il, en tout cas vu de l'extérieur, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler un capitalisme de désastre. De nombreuses entreprises ont vu dans la reconstruction d'Haïti une sorte d'aubaine, hein, sans véritablement s'intéresser à l'efficience de leur contribution, d'ailleurs. Oui, mais dès qu'il s'agit de beaucoup d'argent, bien entendu, il y a un certain nombre d'entités qui arrivent sur le terrain. On le voit même depuis la guerre en Irak, ce sont les mêmes grandes compagnies qui essaient de s'octroyer les grands contrats. Un contrat de déblaiement après un tremblement de terre, c'est plus de 500 millions de dollars. Donc, on voit très vite arriver des jets privés, souvent, et ça nous fait rire parfois, rire jaune peut-être, en Haïti, quand on voit arriver des gens qui justement veulent aider, ou qu'on parle de la corruption locale, qui existe certes, mais la vraie corruption, c'est celle qui porte sur des centaines de millions de dollars. Puisque l'argent ne passe pas, encore une fois, chez le fonctionnaire haïtien local, ni vraiment chez les politiciens locaux. Et donc, c'est cette grande corruption qui a comme pour nom le lobbying aux États-Unis. Donc, ils appellent leurs députés, ils appellent leurs sénateurs, ils leur disent, voilà, faites-nous un contact avec le président d'Haïti ou avec tel ministre, et ils viennent et ils offrent leur service pour décrocher un marché. Raoul Pec, on en est où, ce sera ma dernière question, aujourd'hui, 7 ans après la tragédie, Haïti. Et Haïti continue à subir les conséquences de cette grande catastrophe, puisque non seulement notre économie a été éprouvée très sévèrement, mais aussi tout le monde politique. Puisque suite à ça, nous avons eu une forte ingérence politique, avec parfois l'appui de pays européens, inclus la France. On a eu des élections qui ont été très dures. La société civile a dû partir en résistante contre ces manipulations. On nous a imposé un président qui a été le président Martelly, qui est un Donald Trump avant la lettre en Haïti, supporté par l'Union européenne, par la France, par les États-Unis, par le Canada, et qui a bien sûr laissé une catastrophe derrière lui, qui n'a pas pu faire un deuxième mandat puisque la Constitution ne le permet pas, mais c'est encore son parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Lui, il n'a pas pu organiser des élections alors que législatives qu'il aurait dû organiser pendant son mandat. Donc voilà, on accumule comme ça les échecs et la société civile haïtienne qui a toujours été devant les combats est fatiguée. Parce que c'est ça, il y a des conséquences. Ces batailles, on ne peut pas les mener encore et encore. Mmh. Et or, on ne peut pas résoudre quoi que ce soit sans la société civile et ses organisations. Donc voilà, la bataille continue, mais même si on n'en parle plus, la situation d'Haïti, surtout face à un monde international et une Europe qui réduit les aides, voilà, les difficultés sont devant nous. Ben voyez qu'on en parle quand même. Absolument. Ici en tout cas. Voilà, c'est une bonne chose. Je rappelle ce coffret si vous voulez plonger dans l'univers d'Haïti, mieux connaître ce pays, récit d'Haïti de vous, Raoul Pec, en 5 films coffret DVD, ça sort en ce moment. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le tremblement de terre en Haïti. Sachez que Radio France, arrivée 2 jours sur place, 2 jours après le tremblement de terre, a aidé à la reconstruction d'une école qui s'appelle l'école de Savanette et que France Inter a pris le relais de la radio de l'ONU qui avait été détruite par le séisme. Voilà, vous savez tout à la technique aujourd'hui. Il y avait Raphaël Rousseau, merci à lui.